super jingle. Oui, et puis partir sur un peu de musique. Et tous les jingles. Et très vite, retrouver donc Jérémy Chevalier dans le salon d'écoute pour le partage d'écoute numéro 1. Et donc, partage d'écoute, c'est-à-dire toutes les pièces sonores, morceaux de musique, enregistrements qui ont marqué un ou une artiste dans sa vie et dans son travail. Et donc, chaque jour, différents artistes invités vont venir pour ce partage d'écoute qui est quelque chose d'assez précieux et d'assez rare pour comprendre les inspirations des artistes. Voilà. Archi long. Archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archi gros. .org. Bienvenue au salon d'écoute du Festival Archipel. C'est donc un espace dédié aux écoutes de musique sur support, avec un acousmonium savamment agencé par l'Association pour la musique électroacoustique Genève, l'AMEG, et plus précisément par Thierry Simoneau, Olga Kokcharova et Antoine Siron, qui vont animer cet espace tout le long du festival. Ouh, merde, avant-goût. C'est bon, on a du son. Et alors, ici se passent deux types de programmation. Il y a à midi les partages d'écoute, c'est ce qu'on est en train de vivre bientôt. C'est vraiment l'idée d'inviter des artistes du festival à faire entendre des musiques ou des sons qui comptent pour eux ou qui comptent pour eux, on va dire, très largement. pas forcément en utilisant l'acousmonium en tant que système de diffusion multicanal, faire tourbillonner les sons partout. Ça peut être aussi juste installer un espace. Voilà, ce que permet l'acousmonium aussi, un espace sonore. Alors, quand je disais deux parties, c'est que les soirs, il y a des concerts live et des diffusions. C'est les conversations acousmatiques, c'est-à-dire concerts live précédés ou suivis d'une pièce historique ou d'un objet, une curiosité sonore plutôt ancienne en général, en dialogue avec un artiste live. Et à midi, donc, c'est ces partages d'écoute. Et là aussi, il y a deux types. Il y a les artistes, musiciens qui vont faire écouter leur tube, comme je disais, plus ou moins. Mais il y a aussi deux moments où ça va être un peu différent, où on est plus dans... On les a appelés les contextes. Il y a contexte 1, contexte 2. Et c'est faire écouter... Enfin, c'est des personnalités. Là, c'est Jérémy Chevalier, qui va, je vais en reparler un tout petit peu. Et la deuxième fois, ça va être Madeleine Leclerc du MEG, du Musée d'ethnographie de Genève, qui fait écouter des sons du fond de l'AIMP, des archives d'International Musique Populaire. C'est un fond hallucinant, avec des milliers et des milliers et des milliers de sons qui partent depuis les cylindres, enfin, tous les supports existent dans ce fond, dont les premiers avec la cire, là, enfin, bref. Et dans les deux cas, il y a l'idée du contexte. Donc, avec le MEG, ce sera tous ces enregistrements faits pour capter des sons de différentes cultures dans le monde entier. Souvent, il y a beaucoup de sons parasites, enfin, c'est peut-être pas le mot, justement, là, c'est l'idée de les mettre au centre. Donc d'écouter voilà, les enfants qui crient, je sais pas, les chiens qui aboient, les micros qui font du bruit en soi. Enfin, voilà, il y avait cette idée de valoriser ces sons environnants. Et je crois qu'il y a un petit peu cette idée, mais différemment avec Jérémy. C'est-à-dire que Jérémy va être présent, Jérémy Chevalier, artiste genevois, qui va être présent tout le long du festival avec une sorte d'atelier ouvert, participatif, workshop, on ne sait pas trop. On peut s'inscrire et passer une heure avec lui, un petit peu moins d'une heure. Un peu moins, s'il ouais. te plaît. Et il va nous montrer des vidéos, faire écouter des choses. Il a construit des micros avec de la terre glaise. Enfin, donc, il y a l'idée de s'emparer aussi de l'enregistrement du micro, des supports. Et là aussi, l'idée, c'était qu'il parle de du coup, le field recording, de en terrain. Donc, il va nous faire une session un peu autour de cette thématique. Voilà. Voilà. Donc, Jérémy, je te laisse la parole. Tu peux commenter les sons ou pas. Mais en tout cas, on va partir. J'ai fait un peu long. J'espère que ça va. T'inquiète. Bonne écoute. Merci, toutes et tous, d'être là. Alors, moi j'ai commencé à m'intéresser au field recording il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment j'ai creusé un peu dans cette idée. Au départ, c'était cette idée d'effectivement d'entendre par exemple les enregistrements ratés, on entend le bruit du micro, ce genre de trucs. Et finalement, je me suis mis à vraiment m'intéresser au field recording, à vraiment écouter des pièces, et je trouvais qu'il y avait des pièces qui étaient très belles. Donc c'est un peu un mélange de pièces que j'ai choisies un peu pour ça, c'est-à-dire en contexte, où on entend le micro, le genre de truc. Et après, petit à petit, je dérive un peu sur des trucs que j'aime bien. Voilà, il y a des pièces que j'aimais bien aussi, parce que c'était très brut. Des fois, j'aimais bien quand le son donne juste une signification. Il y a un field recordiste, je me rappelle plus de son nom, qui parle de ça. Il dit qu'est-ce qui fait finalement la différence entre un bon field recording et un mauvais. Puis des fois il y a toute une histoire de signification derrière. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Merci Nadal. Je vais commencer par vous faire écouter. Ça dure un peu moins de 5 minutes. C'est alors ça c'est pas du field recording, mais je me suis dit il faut que je passe cet enregistrement. C'est génial. J'espère que Marie, tu m'en voudras pas trop. C'est en fait une conversation téléphonique que j'ai eue avec Marie, dans laquelle elle m'a proposé ce moment-là, et je trouvais génial. Alors, juste fait quelques coupes, mais je trouvais qu'en soi, ça faisait une pièce sonore. Donc, à mon insu. Ouais. J'y vais. Alors, quoi ? Ouais. Alors j'enregistre. Il marche plus avec ce téléphone, mais j'avais un truc où j'enregistrais parce qu'une fois, il y a mon assureur qui m'a appelé, et c'était à mourir de rire et j'ai regretté de pas pouvoir enregistrer. Et je me suis dit, on sait jamais quand ça. Et voilà. Alors j'y vais. Salut. Ouais, ça va. Mais je me demande si Alors attention, en fait, je t'entends vraiment pas très bien. Alors là, c'est mort. Sérieux ou pas, attends, je sais pas comment on met. Ouais, donc, est-ce que tu es d'accord de prendre un des partages d'écoute? On garde un peu cette règle-là. Faites-nous écouter les musiques qui vous ont influencé, qui vous ont marqué, qui vous accompagnent encore ou pas, ou plus, ou bref, n'importe quoi. Mais vraiment, on passe des morceaux et on en parle. Très peu ou beaucoup, la parlotte. Hein. Voilà, il y en a un, ça va être Madeleine Leclerc. Et cette année, je la réinvite, et le thème, là, c'est tous des enregistrements de terrain, comme ça, mais qui, où t'entends le terrain, vachement, tu vois. Genre, t'as enregistré un mec qui joue, je sais pas quoi, puis tout ce que t'entends, c'est, je sais pas, le chien qui aboie, les gamins qui crient derrière. C'est là qu'elle trouve des enregistrements ethnographiques intéressants dans la collection, etc., mais qui vont, où on entend soit la surface hyper fort, le micro, le machin, les sons. Là, soit ce qui se passe autour, tu vois, ouais. En plus de la musique. Voilà. Un peu un truc qui accentue vachement ce côté de la présence de l'enregistrement dans le geste d'un portrait. Voilà. Et toi, voilà, je me suis dit, bah, peut-être que dans tes recherches hein, de field recording, tu pourrais faire une forme de, où tu en fais écouter, ou j'en sais rien, n'importe. Ou inventer un autre thème, un peu comme ça. Tu sais, on t'a donné non, est-ce que t'es vraiment allé écouter plein de trucs? Oui, j'ai écouté pas mal de trucs, quoi. J'ai pas mal, enfin, en tout cas, toutes les références sur Internet. Ah, c'est ça. Allô? Ah, je dis au revoir à Marie. Je sais pas, voilà. Je sais pas ce que ça te raconte, ce que je te dis. Ah, mon chat. Ouais, mais c'est. Ouais. Je sais que tu m'as dit que tu aimais bien l'idée aussi des formes un peu site conférence et. Alors je me dis peut-être que c'est pas tout à fait. L'idée, c'est quand même pas que tu parles les trois quarts, mais ça peut être un peu moitié-moitié avec toi. Je verrais assez, tu vois. Si tu as envie de faire une partie de tout ça, quoi, un volet de ta présence à Archipel, et qu'il y aurait voilà, un moment où c'est plus raconter un truc, tu vois, en faisant écouter des trucs, en gros. Alors, ouais, alors c'est que j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux raconter. Parce qu'en fait, il y a quand même un truc, moi, qui me fait un peu. M'intimide un peu, c'est que le public d'Archipel, généralement, c'est des gens assez pointus. Mais ce qui va pas à midi, et on n'a pas encore réussi à faire la foule à midi, hein, pour l'instant. Il n'y a eu que 2 ans dont 1 en public, hein. Et je crois que c'est pas, il n'y a pas plus que, il y a peu de monde à midi, c'est sûr. Oui, c'est normal. Il va y avoir peut-être en effet des artistes, ça c'est vrai, dans ce sens-là, qu'il va y avoir quelques artistes peut-être qui vont dire ah ben là j'ai une pause, je vais écouter, je vais voir tout ça. Il peut y avoir une Madeleine qui a dit c'est ma vie dans mon sens. Ouais, je sais qu'il y a ceux qui ont pris le titre, ceux qui aiment bien. C'est un peu interne pour l'instant, j'ai remarqué. Ouais. Mais j'arrête pas sans ça. Vraiment, je t'inquiète pas, hein, c'est. Quand même, quand on regarde ces machins, ces jeux de compte que tu nous envoyais, ces perfos, c'est quand même assez génial, hein. Ouais. Et moi, ce que je trouve ça, c'est que quand je les écoute, c'est que ton côté, des fois, que je trouve limite presque cabotin, alors que c'est un peu ta timidité, ta façon d'être, ça va être différent, ça, on écoute, parce que tu ne sais pas devant les gens, tu vois. Et c'est derrière, avec la régie, tout le monde, c'est un peu dans le noir, enfin, dans le noir, non, c'est pas vrai, petite lumière dans le noir. Toi, t'es assis, t'as juste un micro, c'est serré, alors voilà, maintenant, viens d'entendre ça, super, super. Et lui, je te laisse, il faut que je laisse mes chats et moi-même, je trouve. Ouais, ok, bah, je vais faire pareil que toi. Bien. À plus, ciao. Eh, ciao. Salut. Ciao. Voilà. Même pas t'en couper, quoi. C'est quoi? Non, ça va. C'est pas placé une, quoi. Non, mais non, c'est pas vrai. Non, mais. je suis désolé, mais j'adore ça. S'il y a... okay, c'est pas du tout de. Bon, on va passer à autre chose. On va passer à. Donc, du coup, j'ai un peu poursuivi mes recherches. je suis tombé sur. Alors là, je vais passer sur peut-être un flanc un peu plus, entre guillemets, politique. Je suis tombé sur une conférence avec notamment Peter Cusack qui est dedans. Et il parle un peu de sa relation au field recording. Et puis. Et à un moment donné, il diffuse cet enregistrement. Donc c'est vraiment l'enregistrement qui est diffusé dans une salle qui est, je sais plus où, à Londres, je crois. Donc la qualité sera pas ouf, mais je vais vous passer ça. Et puis voilà. Yeah, something like that. And so I'll quickly move to London. And zoom in on London. And play a recording of the kind of thing that happened in the last years to recordists in this town. This is London Bridge Station. Hello there. Hi there. And just ask what you're up to. Making a recording of the sounds in here. All right. Who's that for? Myself. I collect sounds of London. This is one of them. Oh, I've never heard of that. Do they staff know that? Yeah. No, no, they don't. Might be an idea just as a courtesy to let them know. Yeah. Everyone gives a certain kind of picture, doesn't it? Someone's standing there. You've with got something an electronic in your box. Pocket there? Yeah. And that's the cable and goes from one. Here. No, nothing in there. Something in this one. Okay, do you want to just come over here with me for a minute? Why don't you just stand here? Yeah. Okay. What we're going to do, a search on you. Okay. On Section 44 of the Terrorism Act. Okay. Okay? All right. What I'm going to ask you to do is you can just take your bag off and pop that down to your side. Okay? And if you can take your jacket off for me. I'm going to switch that off for us. Yeah, you're going to have to switch that off for us. Pop that on your bag. You make discs and stuff, do you? Yeah. Okay. There you are. Okay, where's this going to here? Here. That's attached to your headphones, is it? Yeah, that's right. Does it transmit, is it? No. Well, no I'm going to do is I'm just going to pull the headphones to see if the lead comes. I've just got a shock off that. You're going to have to turn it off, mate. It's... Just try it again. I mean, I'll show you no, myself. That's right. Can you turn no, it off, just please? Turn it off here for you us are. Now. Look. You're not recording anything at the moment, anyway, are you? So you can immediately hear a marked difference between the attitude to security in London compared to Prague. And that's one of the things that interests me about field recording. Not the field recordings necessarily in themselves, but what the activity of doing it or the content of the field recordings tells you about the places in question, or about the politics, or about the current situation. Voilà. Peter Cusack. Après, je vais enchaîner avec, du coup, là-dessus. Je me dis, en lien, je peux mettre cet enregistrement. En fait, c'est... comment il s'appelle Christopher De Laurenti, qui, au cours d'une manifestation aux États-Unis en 1999, il a enregistré, il s'est retrouvé, enfin, il était dans la manif et il y a eu des émeutes avec les policiers et lui se retrouve au milieu. Donc, c'est une pièce qui dure une heure. Moi, j'ai sélectionné un peu le passage où on sent ce passage, en fait, de les gens qui font la fête avec d'un seul coup les flics qui balancent des grenades lacrymo et ce genre de trucs. Voilà. We need reinforcements! Ah ouais? De la lumière? Non, c'est... Enlevez les chaussures. Oui, oui, oui, bien sûr. Alors, c'est super. Ça me permet de réfléchir à ce que je vais vous passer après. Alors là, j'ai hésité en plusieurs trucs, mais je crois que je vais vous passer une pièce que j'aime bien de Toshiya Tsunoda, qui s'appelle Bottle at Park. Lui, il a fait tout un album où il s'amusait justement à mettre des micros dans des endroits très particuliers. Il en a fait une, par exemple, dans une sorte de, sur une falaise, il y avait une sorte de cavité. Il est allé chercher le son qu'il y a à l'intérieur de cette cavité-là. Il en a fait plein d'autres, et là c'est Bottle at Park, donc il a trouvé une bouteille en verre, je suppose, et il a mis un micro dedans, et puis c'est l'espace sonore de cette bouteille qu'on va écouter incessamment sous peu. Ouais, vas-y. Thank you. The piece that you just listened was a piece record with a microphone in a bottle in a park. The piece is Bottle at Park. okay, and now we will go forward with I like this piece, John Butcher. J'aime cette pièce, John Butcher, Wind Peace, Wind Peace. C'est assez simple, c'est un saxophone, il y a le bruit du vent en même temps, on entend tout le paysage sonore et lui joue du saxophone en soufflant un peu dedans. Je trouvais ça assez beau, j'aimais bien. It's a saxophone with the wind and I just like it, it's really simple. Là, je passe dans des trucs un peu plus. J'ai moins de choses à raconter sur ces pièces. Elles sont peut-être un peu plus brutes. I have nothing really to do interesting about this piece, but. sorry. I have a piece of Daniel Menche, Raw Fall. It's really, really basic. I think the piece before was about wind. This is about water and rain. And I like it because it's an extract, because the whole piece long is 40 minutes. And it's kind of white noise. It's just the maybe the five first minutes. Thank you. un extrait. C'est assez simple, quand même. J'étais où ? Ah ouais, Philippe Samartis. General Electric. Ouais, c'est marrant. C'est, on va l'écouter, ça sert à rien de parler. Voilà. En fait, je me rappelle, j'avais choisi cette pièce parce qu'il y a un côté un peu écolo avec la nature et General Electric, l'électricité. Enfin, voilà, je me suis dit, field recording, il y a toujours un côté un peu écolo. Voilà. This piece is about. Sorry. Ouais. Is about ecology and electricity and, and the nature. Cause in field recording, there is a lot of, I think, ecologist behavior. Next piece, it's. Alors, je vais dire en français d'abord. Je connaissais pas le chant de Capercaillie. Comment on dit en français le grand tétras. Exactement. Merci. Et donc c'est l'enregistrement d'un grand tétras, et quand j'ai découvert, au début je savais pas ce que c'était, je crois que c'était quelque chose de mécanique. Donc je me dis, c'est une volaille. C'est une grosse volaille qui vit dans la forêt, c'est assez sauvage. Ouais. The capercaillie, it's a kind of chicken, big chicken. Sorry, excuse my English. And it's, you have a display, because it's male capercaillie display is the name of the song of just listen. Alors, ouais. tétra. Et je vais terminer. I will finish by Jana Vinderen. Une pièce qui s'appelle The Noisiest Guy on the Planet. Je l'aimais parce que j'aime bien le rapport avec le titre. Elle est allée enregistrer des crevettes dans l'eau. En fait. Et c'est très bruyant, les crevettes, en fait. She go to record the shrimps. And the shrimps are really noisy. Are the noisiest guy on the planet. Maybe. It's just an extra because it's I just finished with this. Voilà. Alors, tac. Là, pouf. Et là. Quelque chose. Ouais, parce que celui-là, je l'ai pas. Ah, zut. Là, rien du tout. Putain. Ah oui, ça. J'ai oublié comment le commençais-je. Voilà. Alors en fait, c'est pas du tout que des crevettes, hein. Il y a aussi. Je suis désolé, j'ai dormi 2 heures cette nuit, je suis complètement à la masse. Mais il y a vraiment le bruit des moteurs, etc. Et puis ça parle évidemment d'écologie, enfin, ce truc d'aller enregistrer sous l'eau les moteurs. Je crois qu'elle est près d'un lac, Dead Zone, Pasvik d'Allen. Et voilà, et ça fait aussi référence au, effectivement, comme l'a rappelé Olga, c'est l'animal qui fait le son le plus fort, c'est une espèce de homard qui claque des pinces et qui fait un son très très fort. Ouais. Ouais, c'est ça, et je pense que c'est un mélange des deux, elle a fait un truc. Voilà. Merci. Donc, Jérémy Chevalier, je parle aussi un petit peu pour notre radio là. Merci Jérémy. Et pour poursuivre, on avait appelé cette séance Meta Recording. Je pense qu'en grande partie, vous avez compris pourquoi. Ah ben ouais, c'est. Pour poursuivre cette approche un peu philosophique, critique, drôlatique du field recording, bon, comme tu le disais, il y a eu quelques enregistrements assez sérieux, hein, mais il y a aussi eu des jeux comme ça, ouais, sur l'idée de la mise en abîme, de l'acte d'enregistrer. Je vous invite vraiment à aller visiter l'atelier de Jérémy sur place là à la maison communale tous les jours au premier étage dans la chambre des lattes qu'on a nommé comme ça parce que le plancher fait plus de bruit que à peu près tout le reste. Et il y a aussi Attila Farhavelli qui va faire des sound walks aussi dans un esprit comme ça un petit peu décalé et critique de l'idée de enregistrer le réel. Donc, faire une sound walk avec Attila Farhavelli, c'est écouter tout sauf le réel. Voilà. Bonne fin de journée qui commence à peine ou qui, je ne sais pas. Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct, de 10h à midi, sur archipel.org. Thank you. Thank you. Thank you.